Bien bonjour, chers auditeurs de Canrock, ici Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous, à vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Cette semaine, j'ai du Vichten, j'ai du Pierre Guitare, du Tommy Bolger. J'ai 3 ailes comme album de la semaine, vraiment très bel album. J'ai aussi les Rod Swamp, Sugar Crush, on va entendre également Céleste Lévy. Il y aura du Cano, du Robert Paquette en instrumental, Jocelyne Baribeau, Alpha Toshineza, Jeremy and the Delicious Sound et bien d'autres. Donc restez là, je vous reviens dans quelques instants avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Chers auditeurs, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, ici la longue des ondes. Laissez-moi le temps de remercier quelques personnes qui me permettent comme ça de rentrer chez vous. Merci beaucoup à Vanessa Elisabeth de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKGM Chétican, WFM 98 Halifax, CFOB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie, en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, CILS, Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Eh bien, laissez-moi vos coordonnées ou les coordonnées des artistes à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. On commence en beauté, oui, en beauté, dans tous les sens du mot. Les jumelles Leblanc, Pastel et Emmanuel, bien sûr. J'oublie souvent son nom, pauvre elle. On va y aller avec le nouvel album pour Vichten. C'est Horizon. C'est la pièce titre qu'on va entendre, instrumentale. Et par la suite, on va entendre BB Box. Donc, j'ai fait première écoute de cet album-là. Et assez intéressant, merci. Les fans de Vichten seront rassasiés, ça c'est certain. Et ceux qui ne les connaissaient pas, ben jetez une oreille sur Vichten. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font de la musique folklorique, un peu celtique aussi, mais bien fait. Voici Vichten. Thank you. Bon pour les oreilles, Vichtin, nouvel album, Horizon, maintenant disponible. Allez voir ça, allez mettre la main là-dessus. Sûrement distribution plage, www.plage.net. Là, on y va en chanson avec Raphaël Buckler. Je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK. Toujours beaucoup d'informations, des petits clips assez intéressants parfois. Comme celui de M. Raphaël Buckler, qui est dans la région de Memrancook pour le tournage de la deuxième saison de À la Val Drag, qui passera l'été prochain sur la télé de Radio-Canada. Il en profite pour en faire un concert le 29 septembre, donc à Memrancook. Et puis la petite vidéo est vraiment comique. Allez voir ça, ça vaut la peine. On va l'écouter avec Valérie. Par la suite, quelques nouveautés, soit celle de Pierre Guitard et Embrasse-moi. Très belle chanson, j'aime bien ça, c'est bien le fun. Il y a aussi Nightcrawler de Simon Daniel, dont l'album s'en vient très très bientôt. Nouvel album, ça promet. Et on va terminer ça en beauté, pourquoi pas, avec Tommy Bolger, dont j'en fais un commentaire sur les sites de Centraire et Québec Pop. Allez voir ça. Mais pour l'instant, voici Valérie, M. Raphaël Buckler. Ça fait déjà une bonne heure que tu traînes dans mes pensées taboues. Dehors c'est la pleine noirceur qui cherche à te ramener chez vous. Je le sais bien qu'on s'était dit en se regardant dans le blanc des yeux qu'on resterait des amis, que moi et puis toi serait jamais nous deux. Valérie, j't'aime pis j't'haïs, Valérie. J'ai couru assez longtemps, Valérie. J't'aime pis j't'haïs, oh Valérie. J'ai plus le goût de prendre le champ. Je passerai mon vieux t-shirt, tu verras comme tu seras bien. À moi puis toi c'est plus juste un flirt, reste donc jusqu'à demain. Oh Valérie, je t'aime puis je t'haïs, Valérie. J'ai couru assez longtemps, oh Valérie. Valérie, j'ai plus le goût de prendre le champ. Ah, ah, ah, ah, ah. De toute façon, il est rendu tard. C'est plus le temps de prendre son char. Restons jusqu'à demain. À deux, on trouvera le chemin. chemin. Oh Valérie, je t'aime pis je t'haïs. Oh Valérie, j'ai couru assez longtemps. Oh Valérie, je t'aime pis je t'haïs. Oh Valérie, j'ai plus le goût de prendre le champ. On se roulera un joint sur le chemin pour bosser jusqu'à demain.